Les trottoirs mouillés du quai des Chartrons claquaient sous ses pas pressés de jeunes premiers. Une écharpe de cachemire, l'ombre d'une limousine, et son bras tendu vers une princesse héritière qui chuchote: Charles Hubert est un garçon vraiment super. Trottoir mouillé du quai de Chartrons, cachemire, limousine, bras tendu d'une princesse héritière. Charles Hubert, garçon super. Son look chic et ses bonnes manières, Charles Hubert est un garçon pervers. Et c'est toujours, toujours, toujours par derrière qu'il prend sa princesse héritière pendant qu'elle fait sa prière. Noir. Wow.